Vous écoutez France Culture. Je veux amener l'auditeur à cette espèce d'ivresse qui s'empare de moi au moment de créer. Ivresse où les situations, les époques, les lieux les plus divers qui soient, les plus opposés en apparence, se superposent, s'imbriquent, tourbillonnent et finissent par fusionner en un instant projeté dans l'éternité. C'est-à-dire non pas un instant particulier qui durerait toujours, mais en une vision globale passée hors temps et hors espace. Aujourd'hui, nous serons ces auditeurs appelés à l'ivresse et tentant de partager ensemble cette vision globale hors temps et hors espace à laquelle aspirait le compositeur Olivier Greff, mort à 50 ans il y a tout juste 10 ans. Cette vision-là, nous irons la chercher au croisement de sa vie et de son œuvre, une œuvre et une vie vécue sous le signe du mot « partage ». Un mot, un maître mot pour Olivier Greff, qui sera également le nôtre aujourd'hui. Tant ceux qui m'entourent, qu'ils soient interprètes, musicologues, frères de musique ou de sang, ont en commun cette envie de faire découvrir son œuvre et de la partager avec le plus grand nombre. Au mot « partage », j'associerai le mot « ferveur », un mot qui pourrait tout autant décrire ce compositeur et sa musique, que la passion de ses proches à vouloir la faire vivre au-delà de sa mort brutale. Il y a en musique les patrimoines d'évidence, ceux qui se sont constitués à travers les siècles, joyaux précieux venus de tous les continents que nous avons reçus en héritage, mais il y a aussi ceux que nous avons le pouvoir de constituer, de reconstituer, de défendre nous-mêmes pour faire entrer de nouvelles et grandes œuvres au cœur même de nos vies et au-delà de nous-mêmes, au sein de l'histoire de la musique. Pour tous ceux qui sont réunis aujourd'hui dans ce studio, telle est bien la volonté obstinée pour ce qui concerne l'œuvre d'Olivier Greff. Qui sont-ils ? Des artistes qui enregistrent, jouent et joueront pour nous la musique d'Olivier Greff. Romain David, pianiste, et sa complice violoniste Stéphanie Morali. Patrick Longo et Agnès Westermann, tous deux violoncellistes et membres de l'ensemble Syntonia. Des musicologues qui viennent ici régulièrement nous parler de génies du passé, Brigitte François Sapet et Gilles Cantagrel, et qui partageront aujourd'hui l'amour de l'un de leurs contemporains et amis. Et puis un homme qui aime les notes de musique, mais s'est voué au métier des mots, qui connut au plus près l'histoire d'Olivier Greff dès son enfance, puisqu'il fut son frère aîné, Jean-Jacques Greff. Alors il n'y a pas de façon plus lumineuse et parfois brûlante pour approcher un homme que de s'abandonner à sa musique. Jetons-nous à l'instant, sans retenue, dans celle d'Olivier Greff. Les Vendredis de la musique numéro 39, Olivier Greff, un voyageur entre la cime et l'abîme. And water heaven with the tears. Le premier des chants de l'âme, Tiger, où déjà tant de choses d'Olivier Greff sont présentes, aussi bien dans les thématiques que dans cette marche irrésistible, cette puissance obsessionnelle, cette musique à l'énergie violente du pianiste, qui était ici Olivier Greff lui-même, accompagnant Jennifer Smith. Alors pour comprendre cette œuvre complexe, nous allons d'abord nous tourner vers l'homme et sa vie, et nous allons lui laisser la parole, puisqu'il va en faire un petit résumé très factuel que nous pourrons ensuite commenter avec nos invités, Olivier Greff. Compositeur français, né à Paris le 3 janvier 1950, compose depuis l'âge de 7 ans. Je suis né à Paris en 1950, de parents qui étaient tous deux originaires de Galicie, et qui est donc cette partie de l'Empire austro-hongrois, qui était la Pologne, puis l'Autriche, puis à nouveau la Pologne, puis la Russie, et aujourd'hui l'Ukraine. Donc mes parents sont venus en France, je suis né à Paris, j'ai fait mes études au conservatoire de Paris, j'ai été très vite intéressé par la musique et plus spécifiquement par la composition. J'ai poursuivi au conservatoire des études de piano, de musique de chambre, de composition, d'orchestration, etc. Et puis je suis allé à New York où j'ai vécu 2 ans, dont un où j'ai étudié avec Luciano Berio à la Juilliard School. J'ai été ensuite son assistant lors de la création de son premier ouvrage lyrique, qui s'appelait d'ailleurs Opéra, vers l'Opéra de Santa Fe. Et puis, je dirais que depuis le début des années 70, j'ai tenté de mener une double carrière de compositeur et de pianiste, qui s'est toutefois trouvée interrompu, en tout cas dans une autre perspective. Au début des années 80, je me suis intéressé à la spiritualité de très près et par la pratique. J'ai eu une pratique intérieure qui m'a fait découvrir le silence, les vertus du silence, jusqu'à un tel point que j'ai carrément arrêté la musique. Je l'ai reprise en 90 et de plus belle, avec une grande gourmandise et aussi un autre éclairage. Alors voilà, c'était lui-même qui résumait sa vie de façon très factuelle, on va dire. Alors je me tourne vers vous, Jean-Jacques Greff, puisque je le disais, vous étiez son aîné de 4 ans, donc vous l'avez vu grandir. 5 ans même, un peu plus que 5 ans. Oui. Vous l'avez vu naître et grandir. Donc. Voilà, oui. Moi, je veux reprendre une citation que vous avez faite en commençant cette émission. Vous avez parlé de différents lieux et époques qui se retrouvent dans sa musique. Donc je parlais de 3 lieux. Il y a le lieu où il a grandi. Alors c'est pas n'importe quel lieu, c'est le 5e arrondissement de Paris. C'est le quartier latin, c'est le quartier des Gobelins plus précisément, où mon père était médecin. Donc mon père ainsi que ma mère venaient d'un coin de l'Europe dont Olivier a parlé. Alors il dit la Galicie, en fait c'est la Galicie orientale. Parce qu'il y a aussi la Galicie occidentale qui est un peu différente. Et il rêvait que d'une chose quand il venait à Paris, c'était le quartier latin. Voilà, ça c'était leur rêve. Et donc, ils se sont installés au quartier latin et mon père pratiquait la médecine. Mais dans cet appartement du boulevard Saint-Marcel, du 5e arrondissement, en fait, il y avait non pas un, mais 2 pianos. Parce qu'avant de pratiquer la médecine, mon père avait été pianiste. Et je veux parler d'un autre lieu, c'est la ville où il a grandi, où mon père a grandi, qui s'appelait à l'époque Sambor. C'était une ville de l'Empire austro-hongrois, mais d'une région polonaise de l'Empire austro-hongrois. Et le père de mon père, c'est-à-dire le grand-père d'Olivier et le mien, qui s'appelait Moritz Greif, avait une auberge. Et dans cette auberge, en été, il y avait des musiciens qui venaient. Alors, il faut imaginer, je ne sais pas, 3 ou 4 musiciens qui jouaient de plusieurs instruments. Les gens dansaient. Et le petit garçon qui était mon père, il écoutait ça et ça l'intéressait beaucoup. Et alors, Moritz Greif, l'aubergiste, d'après mon père, il pouvait s'asseoir au piano et jouer, mettons, l'ouverture de Guillaume Tell, vous voyez, des choses comme ça, sans avoir jamais appris. Ce qu'on peut imaginer d'un aubergiste de l'Empire austro-hongrois à l'époque. Mais donc, il y a un passé comme ça qui a joué peut-être un rôle dans la formation d'Olivier, au moins par le fait qu'il y avait un piano à la maison. Et alors, Olivier était un très, très bon pianiste. Mon frère était un pianiste extraordinaire. Mais je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui ont entendu mon père jouer du piano. Parce que mon père était un pianiste absolument fabuleux. Et ce qu'on ne sait pas, c'est pourquoi il a arrêté. Alors lui, il répandait une légende qu'il avait une fiancée qui disait « c'est pas un métier, la musique, et prend un vrai métier et il est devenu médecin. Donc ça, c'est un premier lieu dont je voulais parler, c'est la ville de Sambor. Et dans ce lieu, dans cette ville de Sambor, il y avait en fait un pianiste très célèbre qui s'appelait Edouard Steuermann, qui était le pianiste de Schönberg, qui était à Vienne. C'était le fils du maire. Et Steuermann a entendu mon père et il lui a donné une recommandation pour aller à Paris et pour aller travailler avec Cortot. C'était un très bon conseil parce que mon père était pianiste polonais et il jouait tout comme du Chopin. Il jouait Bach, Beethoven, tout comme du Chopin, et je crois que Cortot lui aurait fait beaucoup de bien. Mais il arrive à Paris, il a commencé les études de médecine, il a arrêté le piano. C'était un homme un peu assez audacieux, vigoureux et romantique. Et pendant la guerre, dans l'appartement du boulevard Saint-Marcel où nous avons grandi, il y avait une cache d'armes. Et la police est venue, elle a tendu une souricière, elle a arrêté beaucoup de résistance. C'était le groupe qui s'appelait les FTP-MEI, dont mon père était médecin. Et lui, il a réussi à s'échapper. Ma mère a été prise à ce moment-là. Et plus tard, il a été pris par les Allemands et il a été déporté à Auschwitz. Donc ça, c'est un deuxième lieu qui joue un rôle extrêmement important dans la vie de mon frère, c'est Auschwitz. Et quand on a grandi, on grandissait au quartier latin. On allait à l'école, enfin Olivier n'allait pas à l'école, il allait au conservatoire, mais on allait à l'école dans le système français. L'auberge polonaise, elle était là sans qu'on le sache. Par contre, Auschwitz était là tout le temps. C'est-à-dire que dès qu'on a été en âge de comprendre, on a entendu parler de chambres à gaz et de ces choses-là. Donc ça, c'est quelque chose qui était très important. Et dans un petit discours que fait mon frère, qu'on voit dans un film qui passe par-ci par-là en ce moment, il dit qu'il s'est aperçu assez tard, vers l'âge de 40 ans, qu'en vérité, dans toute son œuvre, il y avait Auschwitz, mais qu'il l'a compris un peu sur le tard. Et une fois qu'il l'a compris, il l'a mis consciemment. Et ça apparaît plus, de façon plus évidente dans ses dernières œuvres. Mais déjà, dans ses œuvres de jeunesse, il y a ce moment terrible de l'histoire du XXe siècle. Sonate de guerre, c'était Olivier Greff, lui-même au piano. On sentait là cette virtuosité, aussi cette violence, cette capacité aussi d'évocation, de réminiscence. On entend dans cette évocation de la guerre et de ces barbaries, le Haïli Haïlo des chants nazis qui surgit, qui se mêle à ces espèces de bombardements sonores qu'il produit. C'est un disque Ina Mémoire Vive. Alors nous allons retourner, continuer dans cette idée de l'enfance d'Olivier Greff, qu'évoque pour nous donc son frère, Jean-Jacques Greff. Olivier, il a eu un destin très particulier. Ma mère a trouvé une école intéressante pour lui. Elle avait une amie qui s'intéressait à la pédagogie. Et elle a trouvé une école à Saint-Cloud quand il était enfant, un jardin d'enfants Montessori, chez Madame Médicis. Et il paraît que c'était très bien. Il y avait une bonne réputation dans ce endroit-là. Et alors, mon père disait, mais comment tu vas du boulevard Saint-Marcel à Saint-Cloud? C'est très loin. Elle a dit, oh non, mais j'irai. Bon, elle l'a amené. Puis au bout d'une semaine, elle a dit, c'est effectivement loin. mais j'ai fait un arrangement. Et elle a fait un arrangement avec la directrice de cette école que Olivier allait habiter chez la directrice pendant la semaine et revenir à la maison le week-end. Donc il était pensionnaire dans cette école où il y avait des leçons de piano et de la musique. Il me semble, donc c'est l'hypothèse que je fais, Olivier, il ne se souvenait plus beaucoup, mais qu'il a trouvé, en fait, dans la musique, la consolation qu'il recherchait, parce qu'il devait être très, très malheureux d'être pensionnaire, loin de sa mère. Il était très, très proche de sa mère. C'était un enfant, il faut dire, un enfant très, très fragile, souffreteux. Il a marché seulement à 2 ans, et il était très, très bercé et protégé par sa mère, et très proche de sa mère. Donc, d'un seul coup, hop, elle l'a éjecté comme ça. Et voilà, pensionnaire dans une école, il y avait de la musique. Alors il a trouvé que la musique console, peut consoler certaines musiques. Alors il a eu une enfance qui était une enfance atypique finalement, parce qu'il n'a pas été, il n'a pas fait un cursus d'école traditionnel. Oui, puisque comme il était tout de suite considéré comme un petit génie, alors il avait tout de suite des professeurs de piano. Donc il y avait Madame Jamet qui était sa professeure de Saint-Cloud qui venait. Il y avait une répétitrice qui venait tous les jours, qui s'appelait Mademoiselle Fayard. Et puis Madame Jamet l'a présentée très tôt à Lucette Descaves, qui donnait des leçons privées. Elle avait des élèves privés en dehors de sa classe du conservatoire. Donc il allait une fois par mois voir Madame Descaves. Et puis à 10 ans, il est entré au conservatoire. Et puis à partir de là, évidemment... Il y a eu tout de suite l'évidence d'être compositeur. Il le dit en tout cas, il le disait très tôt. Et c'est vrai que chez Madame Descaves, alors c'est Philippe Persan qui dit ça, que c'était le petit chouchou parce qu'il apportait ses propres compositions. Donc il pouvait avoir des leçons un peu plus longues que les autres parce que non seulement il jouait le morceau qu'on lui avait demandé de jouer, mais en plus il disait j'ai composé voilà, Nausicaa, etc. Puis il jouait... Et cette identité de compositeur, elle est fondamentale, parce que quand il parle de lui comme pianiste, il dit, il refuse d'être pianiste. Il dit, je suis pianiste, je suis un compositeur pianiste. Il disait, je suis compositeur, je suis pas pianiste. Quand il a passé son prix de piano, il est tombé sur le premier mouvement de la deuxième sonate de Chopin, vous voyez, la sonate funèbre. Et il me semble que c'est un terrible coup du destin d'avoir à jouer du Chopin, vous voyez, avec son père qui était un champion de Chopin. Alors on va continuer à avancer dans l'histoire de cet homme et de cette œuvre, Olivier Greff. Alors on a la chance d'avoir avec nous des musiciens, des jeunes musiciens, et je pointe la jeunesse parce que c'est important de dire qu'il est aujourd'hui de plus en plus joué par toute une génération de jeunes musiciens. Ça veut dire que cette œuvre vit et en tous les cas donne des envies. Donc c'est Patrick Langot et Agnès Westermann qui sont tous deux violoncellistes qui vont nous interpréter donc un extrait de The Battle of Agincourt, La Chaconne, et puis on en parle après. Thank you. Un extrait donc de La Chaconne, de The Battle of Agincourt, donc d'Olivier Greff, interprété pour nous par Patrick Langot et Agnès Westermann, qu'on retrouve aussi sur un très beau disque Zigzag Territoire, mais là nous les avions en chair et en os. Inspiration shakespearienne, bataille de 1415, et on verra l'importance du monde anglo-saxon et de la langue anglaise pour Olivier Greff. Alors, Brigitte-François Sapet, je me tourne vers vous, puisque vous avez bien connu Olivier Greff. C'est quelqu'un qui vous a beaucoup touché, comme sa musique. Qu'est-ce que vous diriez sur ce qu'on vient d'entendre ? Je dirais qu'il serait très très ému s'il était là, d'autant plus ému que Patrick Langot et moi partageons un souvenir, c'est que nous avons vécu ensemble, lui comme interprète et moi comme ami et musicologue, le dernier concert d'Olivier vivant à l'abbaye de la Pré avec la création du quatuor Ulysse. Donc c'est un souvenir très fort entre nous, le 23 avril 2000, et il est mort le 13 mai 2000. Alors de retrouver Patrick ce soir, je dois dire que je suis très émue. Alors, on vous sent respirer très fort, Patrick Langot, hein, parce qu'on voit tout l'énergie. C'est un mot très important par rapport à cette musique. Hein. C'est une musique qui soulève. Et j'imagine que pour vous, en tant qu'interprète, c'est pas facile. C'est une musique qui demande beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration et beaucoup de stamina, d'endurance. Parce qu'en fait, ça dure très longtemps. Là, on vous a joué un bout donc, d'un des mouvements. Or, il y en a quatre. Et souvent avec une intensité, des fortés qui durent longtemps. Et donc, oui, il faut être en forme, on va dire. Le terme de bataille n'est pas usurpé. Ouais. Hein. Non, on est vraiment dans une musique qui demande de tout donner au moment qu'on la joue. Et à chaque fois, c'est voilà. Et lui, quand Olivier jouait au piano ses œuvres, c'était exactement la même chose. Il faisait corps avec le piano et c'était sans concession. La première fois que j'ai entendu Olivier jouer au piano, c'était justement la veille de la création à laquelle j'ai participé, la création donc du Quatuor Ulysse, le numéro 4, à l'abbaye de la Pré. La veille, j'ai écouté Olivier jouer au piano. Et je dois dire que j'ai eu un choc, j'ai jamais entendu quelqu'un jouer du piano comme ça. C'était puissant, à la limite, parfois c'était à la limite du supportable, et je me suis ressorti de ce concert changé. Oui. Mmh. J'avais jamais entendu quelqu'un autant donner sur scène, et pourtant c'était pas trop. C'était juste extrêmement intense, comme sa personnalité. Il disait lui-même, d'ailleurs, je crois que dans cette espèce de violence qu'il mettait dans le piano, c'était aussi une façon de retrouver le rapport au corps, parce que c'était un grand mystique aussi, on ne l'a pas encore dit, mais c'était un homme aussi des philosophies orientales. Donc on peut penser du détachement, de la méditation. Il a beaucoup pratiqué la méditation. Brigitte, François Sapet. Oui, mais il y a ce qu'on appelle l'âme au corps. Il y a une très belle exposition de Jean Clair, il y a une dizaine d'années, sur ce sujet, l'âme au corps. Je pense que c'est quand même inséparable. Il mettait toute son âme dans son corps, dans son engagement physique derrière un piano, également pour chanter, parce qu'il chantait avec la voix qu'il avait, mais toutes ses mélodies, toutes ses fameuses œuvres vocales, notamment en anglais, il les chantait lui-même avec une émotion, une puissance, enfin c'était absolument irrésistible. Alors on va peut-être l'écouter justement parler de sa conception de la musique, de son rapport à la musique contemporaine et de ce qui était important pour lui, Olivier Greff. Rôle d'un créateur est d'aller jusqu'au bout de lui-même, jusqu'à l'excès de lui-même. Ça me paraît très important. Je n'ai aucun credo stylistique ou idéologique, ce qui est souvent la même chose. Et je suis viscéralement attaché à au moins deux notions. La première qui est l'émotion. Et par émotion, je n'entends pas nécessairement quelque chose de sentimental, et même pas du tout quelque chose de sentimental et de larmoyant, mais l'émotion en cela qu'elle unit les êtres pour les faire aller quelque part ensemble. Donc l'émotion, pour moi, c'est ce qui nous unit. Et ça, c'est fondamental. Une musique sans émotion, que ce soit la mienne ou celle d'un autre, ne m'intéresse absolument pas. Je ne cherche que l'émotion en musique, donc au sens le plus élevé du terme. Et par ailleurs, je suis viscéralement attaché à la notion de sujet. Je dirais que je suis un musicien figuratif, ce qui ne veut pas dire que je n'aime pas l'abstraction. Donc ce qui m'intéresse, par exemple, dans les rappels de tonalité, ou la notion du thème, ou de rythme, ou de mélodie, ce n'est évidemment pas un retour en arrière, une nostalgie, quelle qu'elle soit, mais c'est le fait que ces choses que l'on peut reconnaître peuvent être mémorisées et donc, dans le cours d'une œuvre, prévues d'avance. Et c'est pour moi une façon que l'auditeur a de participer au déroulement d'une œuvre. Donc j'aime les histoires, j'aime les sujets. Alors Brigitte-François Sapré, Gilles Cantagrel, quand on écoute Olivier Greff, on se rend bien compte en quoi il est en rupture avec toute l'idéologie de la musique contemporaine dominante de l'époque qui fut la sienne, Gilles Cantagrel. Évidemment, c'était un être profondément original, un authentique créateur et qui manifestait un refus panique d'être inféodé à quelque école, quelque esthétique que ce soit, ou bien d'avant-garde ou d'arrière-garde. Donc d'ailleurs, l'admiration des plus grands, comme Luciano Berio, prouve bien que... Avec qui il a travaillé. Avec qui il a travaillé. Et c'était, bon, librement consenti de la part de Berio, qui avait beaucoup de monde autour de lui, bien sûr. Donc, prouve, s'il en était besoin, à quel point il a été reconnu et comme un authentique créateur, mais n'appartenant pas à une école. Et en effet, ce qu'il dit paraît en rupture complète avec une certaine idéologie dominante à une certaine époque, en tout cas. Alors, c'est peut-être aussi ce qui rend sa musique plus accessible. On peut se poser la question, Brigitte-François Sapé. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, elle arrive au bon moment. On va dire que dans les années... On a entendu The Tiger tout à l'heure, d'après William Blake. C'était 1979. Et 1979, c'est les débuts de l'IRCAM, où d'ailleurs Berio a enseigné. Mais il n'a pas voulu recommencer, on va dire, avec Berio, cette fois-ci, de la musique donc, qui était avec des machines. Et c'est vrai qu'il était en rupture avec cette esthétique. Et maintenant, finalement, où tous les critères sont tombés, on peut dire, il peut nous parler plus directement. La fameuse émotion qu'il revendique tellement... Qui était un mot tabou. Oui, et, oula, qui était ô combien tabou. Maintenant, elle a le droit de nous toucher. Ouais. Mais je dois vous dire tout de même, si je prends mon exemple, que moi, en 1979, j'étais très, très avant-gardiste, très moderniste, très IRCAMienne, très tout ce que vous voulez. Et pourtant, je suis tombée raide d'émotion la première fois que j'ai entendu du Olivier Greff. Donc, ça peut quand même arriver. Cette espèce de chemin de Damas, ça peut quand même arriver. Et Dieu sait que j'étais loin de penser que ça m'arriverait. Vous voyez, ça m'a tellement dérangée. Vous vous rappelez gênée. Quelle œuvre c'était ? Oui, c'était trois mélodies d'abord de Srechin Moy, et puis ensuite il y avait du violoncelle et piano. Ensuite, bon, et puis alors. Quelques temps après, il y a eu la sonate de Requiem dans sa première grande version jouée, mais somptueusement par Frédéric Lodéon. Et alors là, je peux vous dire, Frédéric Lodéon et Olivier Greff, c'est une émotion à nul autre pareil. On ne peut pas oublier ça. Vous vouliez dire quelque chose, Jean-Jacques ? Oui, moi je veux dire une chose, c'est que, bon, on a entendu Olivier parler, il ne faut pas croire qu'il n'aimait pas la musique abstraite, etc. Non, par il exemple, le dit, il aimait beaucoup, hein, il aimait beaucoup l'école de Vienne, il aimait beaucoup, beaucoup Schoenberg, Berg et Webern. Hein, c'est, bon, il, en effet, comme vous dites, il ne voulait pas être inféodé ou catalogué, et il ne voulait pas de rupture avec le passé. Il croyait que le lien avec le passé était important et que la culture musicale qu'on a joue un rôle dans la façon dont on entend les choses. Alors, on va continuer à découvrir un peu de sa musique. Et je le disais, nous avons aujourd'hui la chance d'avoir des jeunes interprètes avec nous. Donc, c'est Romain David, pianiste, et Stéphanie Morali, dans un extrait donc, de la sonate numéro 3, premier mouvement, The Meeting of Waters. Donc, on va découvrir encore un autre aspect qui va nous permettre de parler de quelque chose de très important par rapport à sa musique, Olivier Greff. On vous écoute. Thank you. C'était Romain David et Stéphanie Morali, donc dans un extrait de la sonate numéro 3, le premier mouvement de The Meeting of Waters. C'est également, nous les avions avec nous, mais c'est également extrait d'un disque qui s'appelle L'intégrale de l'œuvre pour violon et piano d'Olivier Greff. Donc tous les deux, Stéphanie Morali et Romain David, un disque triton. Alors là encore, ça nous permet de dire beaucoup de choses parce qu'il y a un élément qu'on peut ajouter à cela. C'était aussi l'amour de toutes sortes de musiques et pas simplement des musiques savantes, mais aussi du jazz, enfin, qui est quand même aussi une musique savante à sa façon, des musiques populaires, il parlait des Beatles par exemple. Est-ce qu'on peut parler de ce que vous venez de jouer tous les deux, où là encore il y a beaucoup de travail sur la citation, Stéphanie Morali? Oui, alors c'est vrai que cette sonate The Meeting of the Waters est vraiment très exemplaire de ses influences diverses, puisque le premier mouvement est basé sur deux thèmes qui l'entremêlent progressivement en transformant l'un dans l'autre, c'est-à-dire l'hymne américain, donc une influence américaine qui est également marquée par les influences rythmiques du jazz, harmonique également, et la mélodie irlandaise de Thomas Moore qui a donné son nom à l'œuvre, qu'on entend petit à petit apparaître dans l'œuvre, et l'extrait qu'on vous a joué est un moment où l'hymne américain commence à être déjà bien transformé en The Meeting of the Waters. Et le deuxième mouvement de la sonate, lui, s'intitule Raga. Parce que là, vous avez joué un tout petit extrait d'un long mouvement. Oui, c'est une œuvre assez, très importante. Les deux mouvements font plus de 16 minutes chacun. Et voilà. Donc, et le deuxième mouvement, lui, part dans un autre univers puisqu'il s'intitule Raga. Et c'est un hommage à la musique de l'Inde avec un mode qui se rapproche de la musique de ce pays-là. Romain, David. Oui, et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que Olivier Greff développe, avec ses citations finalement, un style quand même très personnel, un style très virtuose, une écriture de piano très fournie et une écriture de violon également très difficile. Et c'est à la fois une rencontre, comme le titre l'exprime, mais c'est aussi, je crois, une bataille, un petit peu comme dans l'œuvre qu'on a entendue pour le précédemment avec Patrick Langot et Agnès Westermann, tellement l'intensité de jeu et l'exploitation extrême des registres de l'instrument nous oblige à mettre énormément de nous-mêmes et d'énergie dans cette musique. Alors les croisements avec d'autres types de musique, on va les sentir beaucoup, et on va peut-être retrouver là la vie même d'Olivier Greff, parce qu'il y a l'importance des États-Unis où il a vécu, là on parle de l'hymne américain, il y a toute la culture pop, mais il y a aussi ses racines juives dont vous parliez, qu'on peut retrouver aussi dans la musique parfois. En tous les cas, on a l'impression tout d'un coup parfois d'entendre quelque chose qui surgit. Jean-Jacques Greff. Un point assez important, c'est que il n'y avait pas chez nous de judaïsme. C'était entièrement masqué par le numéro bleu qu'il y avait sur le bras de notre père. Vous voyez, ça nous tenait entièrement lieu de judaïsme. Donc, mes parents étaient communistes, mon père était donc un résistant communiste, et il n'y avait pas de religion du tout. On n'avait pas l'ombre d'un iota de culture juive. Par contre, on connaissait bien la culture catholique ou chrétienne, parce qu'on était français et on allait à l'école ici. Mais donc, il n'y avait pas beaucoup de judaïsme. Alors, après, il a pu s'y intéresser, et surtout à la fin de sa vie, plus il a renoué avec différentes choses. Et quand vous parlez des États-Unis, c'est sûr qu'il a habité à New York, mais avant ça, il a pas mal habité à Londres. Il a acquis une culture anglo-saxonne à Londres, en fait. C'est pour ça, d'ailleurs, que là, on a de la musique irlandaise. Il y a souvent des musiques anglaises. Tout à l'heure, on avait Tiger, de William Blake. C'est extrait d'un cycle qui est fait entièrement de poèmes anglais. Les Chants de l'âme, c'est les poèmes anglais. Donc il avait au départ, je dirais, une solide culture anglaise. Il avait un peu de culture allemande parce que la musique est un peu allemande. Et puis il a été aux États-Unis et certainement il a vécu à New York. Ce que je veux dire par rapport à son séjour à New York et à Luciano Berio, il me semble que j'ai lu quelque part que Luciano Berio avait commencé à composer des musiques très mélangé et superposé à New York, parce qu'il a été frappé par la superposition des cultures dans la ville de New York, où c'est une ville quand même unique pratiquement dans le monde. C'est là où il y a le plus de langues parlées, et de, même des langues où il n'y a plus que trois personnes dans le monde qui parlent une langue, et ces trois personnes sont à New York. Et donc Olivier a pris ça aussi. Il a bien aimé New York. Ensuite, le gourou qu'il a eu après était, vivait à New York. Donc il puisqu'il y a eu 20 fois. Ans quand voilà. même. Donc il y allait quand même deux ou trois fois chaque année, parfois plus. Et quand il était aux États-Unis, il a été influencé par la musique de la côte ouest de l'époque, la musique californienne, qui était le début d'une musique répétitive, qu'on a appelée répétitive après. Qu'on entend parfois, qui se oui, glisse. Oui, oui, donc lui, il a toujours dit qu'il avait beaucoup aimé cette musique-là et que ça l'avait influencé. Et une fois, j'étais à New York, et avec une jeune femme qui connaissait un pianiste français à New York. Alors, on est allé voir le pianiste français à New York. Et il a dit, ah, Greff, mais vous avez un rapport avec Olivier Greff? Alors, je dis, oui, c'était mon frère, etc. Il dit, ah, mais moi, quand j'étais au conservatoire, je l'ai entendu parce qu'une fois... je ne l'ai pas connu, mais j'étais dans les couloirs du conservatoire et j'entends des variations absolument délirantes sur une chanson des Beatles. Alors je dis, mais qui fait ça? Et les gens disent, mais c'est Olivier Greff, bien sûr. Et donc évidemment, il aimait bien toutes les musiques, c'est certain. Gilles Cantagrel, oui, je sens que vous vouliez dire quelque chose. Juste ajouter à ce qui vient d'être dit par Jean-Jacques Greff, qu'il avait une énorme culture musicale qui était le corollaire de sa curiosité boulimique pour toutes les aventures de l'esprit et de l'art, quelles qu'elles soient, et que cette culture internationale, principalement française et anglaise d'ailleurs, ne se bornait pas du tout à la musique. Elle était littéraire, poétique, elle était philosophique, elle était, je dirais, de façon plus générale, spirituelle. Une culture spirituelle, c'était un être, bon, je crois que toute sa musique le laisse entendre, d'une profonde spiritualité. Alors justement, on va écouter là l'extrait d'une œuvre que personnellement je trouve... tout à fait extraordinaire, c'est son Requiem, et puis on en parlera après. Yeah. Un extrait du Requiem de Lee Greff, donc le Dies Irae Tuba Mirum Lacrymosa, c'était les BBC Singers dirigés par John Poole, un disque Triton, quelque chose qu'il n'a pas pu entendre, c'était enregistré en 1999 et que nous le disions, il est mort en 2000. Je voudrais qu'on écoute ce qu'il disait de son rapport au chant grégorien. Il semble que d'abord, le chant grégorien est la source ou une des sources essentielles de notre musique occidentale. Et comme le chant grégorien s'est lui-même nourri de sources essentielles, comme le chant synagogal ou le chant romain ou le chant byzantin, c'est en fait déjà un résumé de l'histoire de la musique humaine. Donc ça me paraît très important. On parlera peut-être après l'extrait encore du grégorien. Un tout petit peu encore maintenant. Alors ce qui me fascine dans le chant grégorien, c'est que c'est à la fois le sommet de l'expressivité et le sommet de la simplicité et de l'austérité. Et au fond, je pense que ceci explique cela, c'est parce qu'on s'est restreint le plus possible qu'on est arrivé à cette essentialité, à cette densité de l'expression. Cette pureté aussi. Oui, cette pureté et cette simplicité. Mais puisqu'on va entendre un extrait, je crois qu'il est important de dire que cette simplicité n'est pas une simplicité a priori, c'est-à-dire au fond, tout le monde peut faire simple. Oui, non, c'est une simplicité, Anatole France disait, la simplicité, c'est ce qui vient en dernier. Oui. Donc c'est une simplicité qui a tout traversé. Simplicité de l'âme aussi. Oui, exactement. Et c'est ça qui me semble extraordinaire dans le grégorien. Et on s'en rend compte lorsque, compositeur comme moi, on essaye de composer du grégorien, ce qui m'est arrivé pour m'amuser. Ah, ça a l'air comme ça très facile au fond. D'abord, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas vraiment de rythme. Enfin, c'est une musique extrêmement dépouillée. Je me dis, je vais essayer d'en faire. C'est effroyablement difficile, voire impossible. Donc ça montre, je crois bien, tout le trajet à la fois musical et spirituel qui a été nécessaire pour en arriver là. Olivier Greff, donc nous parlons du grégorien, c'est à la fois une éthique musicale et une éthique de vie, parce que quand on pense à ce chemin de vie qui a été le sien, à cette volonté d'épure, on n'a pas détaillé ces 20 années de méditation, où il se retire sans vraiment se retirer, mais en tous les cas, il arrête quand même une partie de la composition. Il y a Jean-Jacques Greff, quelque chose là qui... Il a trouvé cet esprit-là à la fois peut-être dans le grégorien, mais aussi dans des choses comme le zen, où il aimait beaucoup le Japon. Oui, c'est ce que je voulais dire. Choses comme ça. Lui-même, quand il a parlé de ces années d'interruption de la composition musicale classique, il a cherché à présenter les choses d'une façon sympathique et agréable. Mais ce n'était pas vraiment des années de silence. Il a travaillé beaucoup avec les autres disciples du maître spirituel qu'il avait rencontré et qui était à New York. Alors d'une part, il y avait un travail physique, vous avez parlé tout à l'heure du corps, qui est un travail de méditation, donc il donnait des leçons de méditation, comme quelqu'un aujourd'hui, au fond, pourrait donner des leçons de yoga ou de choses comme ça. Et puis, il a fondé des groupes musicaux qui chantaient des musiques, disons des musiques votives. En point de départ, un petit caractère bengali, c'était le gourou composait des musiques, mais Olivier faisait les arrangements. Et donc, dans ces arrangements, alors ça n'avait rien de grégorien, mais c'était quand même des gens qui ressemblaient à des moines et qui n'avaient pas le droit de boire de l'alcool, de fumer, de manger de la viande et pas non plus de sexualité. Et ces gens-là chantaient a cappella. Et Olivier composait du contrepoint classique. Et donc, il a quand même fondé plusieurs chœurs comme ça. Il a fait des grandes tournées en Russie, en Australie, au Japon, où vous voulez, dans pendant le monde entier. Pendant ces années Oui, pendant ces années. Donc, il était très actif. Le silence, c'était un silence par rapport à sa composition de musique classique. C'était même pas un silence total, parce qu'il composait quand même des morceaux qu'il offrait en cadeau à ses amis. Il composait des morceaux sur le nom de ses amis. Et certains de ces morceaux, il y a très, très bien son style dedans. Pendant l'époque où il s'est retiré du monde. Il y a une chose qu'on n'a pas dite, on est toujours frappé par la mort brutale à 50 ans, donc très très jeune, il y a 10 ans donc. Cette mort, elle court dans toute l'œuvre quand même, c'est une thématique qui est là extrêmement présente. Brigitte, depuis ses chansons enfantines composées à 11 ans, et il catalogue d'ailleurs ses œuvres depuis ses 11 ans, et dans ses chansons enfantines, il dit en somme, ma mère est là pour me protéger, et le jour où maman ne sera plus là, qui me protégera? Donc il y a déjà une sorte quand même... Oui, je veux dire quand même que sa mère, enfin la mienne, elle a été très très malade quand Olivier avait 7-8 ans. C'est un moment très difficile, elle a eu un cancer du côlon qui était la maladie dont sa propre mère était morte. Mon père savait que la mère de sa femme était morte d'un cancer du côlon, il était médecin mais il ne l'a quand même pas vue. Donc ça a certainement introduit un peu une sorte de difficulté supplémentaire dans le couple où il y en avait déjà. Et c'était très, très dur pour Olivier, pour mon autre frère et moi aussi. Donc là, il y avait la mort. Mais avant ça, il y avait quand même bien le fait que ben, on avait notre père et notre mère, mais on n'avait pas de grands-parents. On n'avait pas de tante ni d'oncle, on n'avait pas de cousin. Ben, tout le monde était mort. Tout le monde avait été tué en Pologne. Donc la mort, elle était quand même très présente a priori. Et je ne parle pas des histoires de chambre à gaz que mon père racontait assez volontiers. Mais il n'en parlait pas nécessairement d'une façon totalement négative. La mort était très présente, mais d'un autre côté, il n'en parlait pas vraiment parce que la fameuse sonate de guerre, elle s'est appelée sonate en trois mouvements pendant des années et des années et des années avant qu'enfin il la nomme sonate de guerre, reconnaissant que c'était ça qu'elle voulait dire. Et quand il dit qu'il a une musique figurative, en réalité, sa musique ne raconte rien. Ce qui peut nous aider, c'est les titres qui sont souvent très révélateurs. Quand il revient par exemple au monde musical en Pologne, ce qui n'est pas rien, il y a la fameuse sonate Le rêve du monde et il a toujours dit comme malheur qu'il fallait que toutes les musiques du monde soient là et que sa musique était un monde. Et puis on peut s'aider aussi des psaumes. Il a aimé infiniment les psaumes et pour moi il est l'incarnation de ces psaumes de son peuple Jean-Jacques. Excusez-moi si j'ose dire, mais les psaumes de lamentation individuelle, de lamentation collective, de supplication, les psaumes de révolte, mais aussi les psaumes de louange, les psaumes d'action de grâce. Et puis ce qui peut nous aider aussi, ce sont les thèmes de chorale luthérien qui sont là dans des œuvres instrumentales, j'y dis bien instrumentales. Donc quand on a le concerto d'Ursch Adams Fall, c'est-à-dire par la chute d'Adam, par la faute d'Adam, tout a été corrompu, ou bien son dernier sextuor, pour clarinette, piano, quatuor à cordes, « Ich rufe zu dir, je crie vers toi, Seigneur », etc. Et il y a carrément Jésus-Christ à ce moment-là. Quand même, il y a ce requiem et cet appel à Jésus-Christ dans les derniers mois de sa vie. Et ce sont des thèmes de chorale luthérien, très précisément, que Jean-Sébastien Bach lui-même a beaucoup utilisé. Et Jean-Sébastien Bach, lui aussi, se questionne constamment sur la mort. D'ailleurs, quelle est la question essentielle que tout être humain digne de ce nom se pose du début jusqu'à la fin de sa vie? C'est son questionnement sur la mort. Enfin, Mais dont il parlait parfois de façon positive, d'une certaine façon. Elle nous dresse face à nous-mêmes et nous donne de grandes exigences. Mais la rencontre, c'était la rencontre, effectivement, du chant grégorien, son amitié avec Don Jean-Claire, le père Jean-Claire, qui était quand même à l'abbaye de Solesmes. Et puis, c'était aussi cet apport, malgré tout, juif. C'était aussi cette connaissance des chorales luthériens. C'était enfin, une façon de tout mêler. Et cette rencontre des eaux, elle a été spirituelle aussi jusqu'au bout. Voilà, alors on est arrivé au terme, on n'a pas tout dit, on retrouvera, je l'espère, Olivier Greff. Il y a une association dont vous êtes tous membres et actifs, qui travaille sur les enregistrements, sur des concerts. C'est les 10 ans de sa mort, donc je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Oui, il y a beaucoup de concerts, beaucoup d'enregistrements, dont ceux justement des jeunes interprètes qu'on a eus. Et Olivier qui avait tellement envie de passer la main, on va dire, du point de vue de l'interprétation. Alors là, je crois qu'il serait vraiment très heureux s'il voyait la sortie de 6 disques en ce moment. Mmh. Et quand même l'un où il est alors lui à la fois compositeur et interprète, c'est le disque de Lina. Olivier Greff joue Olivier Greff. Donc à la fois... Le rêve du monde. Voilà, le rêve du monde. Donc il y a à la fois la relève et à la fois quand même lui-même et ses racines. Donc on rappelle le disque de l'intégrale de l'œuvre pour violon et piano, Stéphanie Morali, Romain David, qui sont avec nous. Il y avait Patrick Langot, Agnès Westermann, l'ensemble Syntonia chez Zigzag Territoire. Il y a le très beau disque de Pascal Amoyel, Les plaisirs de Chérance et la sonate de guerre dont vous parliez, Brigitte François Sapet. Il y a aussi Henri de Marquette. On mettra tout ça sur notre site, notre page, Les Vendredis de la Musique, sur le site de France Culture. On va se quitter en écoutant à nouveau... Il faut dire aussi qu'il y a aussi oliviergreff.com. Oui, il y a aussi oliviergreff.com, mais qui sera également en lien sur notre page. On va écouter donc un adagio par Romain David et Stéphanie Morali, qui vont s'installer pendant que je vous parle. Et justement, j'en profite pour vous dire quelques lignes d'Olivier Greff. Il disait « Je m'attends à ce que ceux qui m'aiment pour ce que je suis aiment ma musique ». Par le seul fait qu'elle est la mienne, donc l'expression de ce qu'il y a de plus profondément personnel en moi. Eh bien, si nous avons un espoir cet après-midi, c'est que vous ayez perçu un petit peu de cet être, un petit peu de sa musique, et que vous ayez ressenti justement ce plus profond personnel qui était en lui. À la semaine prochaine. C'était les Vendredis de la musique, une émission proposée par Jeanne-Martine Vacher, attachée d'émission Sylvia Favre, avec pour le mixage Alain Duclos et Éric Boisset, réalisation Olivier Guérin.